silence, tunnel du silence, les mots se bousculent à la sortie. Y a une limite à la malchance, ça peut pas toujours être la nuit. Faire sa place, laisser sa trace, le petit pousset a manqué de pain. Les oiseaux frics sont des rapaces qui chassent pour tromper la faim. Heureusement, petit bipède, heureusement que tous les tam-tams t'aiment. Heureusement, petit bipède, heureusement que tous les tam-tams t'aiment. L'égaré lance dans l'espace un signal déguisé en cri. Sa boussole s'endort dans la glace, la dérive n'est jamais finie. Tout ce qu'on fait pour se nommer est un appel à l'invisible. C'est la loto du condamné qui mise tout sur l'impossible. Heureusement, petit bipède, heureusement que tous les tam-tams t'aiment. Heureusement, petit bipède, heureusement. Qui mène à soi à travers tant de longs hivers. Le rêve est un monde sans loi où l'on devient ce qu'on espère. La vie qu'on rêve sur papier en parenthèse du sommeil. Charrie des bribes du passé jusqu'au pays des mille soleils. Heureusement, petit bipède, heureusement que tous les tam-tams t'aiment. Heureusement, petit bipède, heureusement. Heureusement.